C'est qui vit dans un ananas? C'est qui vit au fond de la mer? C'est qui est tout jaune? C'est qui est carré? C'est qui a un escargot? C'est qui a un dauphin l'Afrique? C'est qui connaît Captain Crab? C'est qui s'amuse tout le temps? Bobby le sponge, Bobby le sponge, Bobby le sponge, Bobby le sponge, Bobby le sponge, Bobby le sponge, Bobby le sponge, Bobby le sponge. Il bosse au crabe croustillant, il pêche la méduse, il parle vachement beaucoup. Il sous son voisin crado, il est super débile. Il est super marrant aussi, il est vraiment génial. Il est mon copain d'abord. Bobby le sponge, Bobby le sponge, Bobby le sponge, Bobby le sponge, Bobby le sponge, Bobby le sponge, Bobby le sponge, Bobby le sponge. Un jour il m'a invité à manger des bonbons, un autre jour on a picolé. Il a vomi vraiment partout, on a bien rigolé. Surtout quand la trique était bourrée, et maintenant ils sont partis. Je m'ennuie, j'ai plus de copains. Bobby le sponge, Bobby le sponge, Bobby le sponge, Bobby le sponge, Bobby le sponge, Bobby le sponge, Bobby le sponge, Bobby le sponge. Bobby le sponge.